place de l'amour à la haine. Welcome to HLM, les mots on va pas les marcher. Tu te fais péter à cause d'une poucave, d'une empreinte laissée sur sachet. C-A-R-T-E-L. On passe de l'amour à la haine. Welcome to HLM, les mots on va pas les marcher. Tu te fais péter à cause d'une poucave. Terminé à terminer ce que j'ai commencé. Je te parle pas de placard, on sait tous comment c'est. Certains de mes péchés m'empêcheront pas de ronfler. Au contraire, y'a que le bif qui me fera croire contraire. Fortes sont mes pensées, car ici elles sont pour ceux qui après une prière viennent plus fort, moins soucieux. Chacun son truc, trop duc, j'ai trop de trucs à dire. Donc trop de trucs à faire, trop de trous duc à fuir. Dans le fond et la forme, j'affirme, arrêtez formel. Ce qui nous rend fait prêt, c'est l'oseille et les femelles. Femelle. Car son s'insouciant, voulant sa place au soleil. À trop y penser, on en perd le sommeil. Pour atteindre le sommet, il nous faut des forces hommes. Force sans personne, personne. Et quand on la joue personnelle, c'est pour être collectif. Mais dire sans rationnel, car la street est sélective. C-A-R-T-E-L. On passe de l'amour à la haine. Welcome to HLM, les mots on va pas les marcher. Tu te fais péter à cause d'une poucave ou d'une empreinte laissée sans sachet. C-A-R-T-E-L. On passe de l'amour à la haine. Welcome to HLM, les mots on va pas les marcher. Tu te fais péter à cause d'une poucave. Les gangs règnent là où règne la gangrène de délinquance, cartel gangrène. Ça c'est mon gang, momentanément je prends un moment. Je repense à ce que me disait maman dans les bons et mauvais moments. J'ai grandi sans père, donc sans repère. Nos repères, nos pères de couilles, la street et ses pères. On rentrait chez ton père, chez nous y'avait pas la paye. Je peux pas te faire un dessin, ça en veut pas la peine. Tester c'est pas la peine, on fait la guerre pour la paix. Pour la peine, je te baise, je te réponds à l'appel. C'est A-R-T-E-L. On passe de l'amour à la haine, hey. Welcome to HLM, les mots on va pas les mâcher. Tu te fais péter à cause d'une poucave ou d'une empreinte laissée sur sachet. C-A-R-T-E-L. On passe de l'amour à la haine, hey. Welcome to HLM, les mots on va pas les mâcher. Tu te fais péter à cause d'une poucave ou d'une empreinte laissée sur sachet. C-A-R-T-E-L. On passe de l'amour à la haine, hey. Welcome to HLM, les mots on va pas les mâcher. Tu te fais péter à cause d'une poucave. C-A-R-T-E-L. On passe de l'amour à la haine, hey. Welcome to HLM, les mots on va pas les mâcher. Tu te fais péter à cause d'une poucave ou d'une empreinte laissée sur sachet. C-A-R-T-E-L. On passe de l'amour à la haine, hey. Welcome to HLM, les mots on va pas les mâcher. Tu te fais péter à cause d'une poucave. Déterminé à terminer ce que j'ai commencé. Je te parle pas de placard, on sait tous comment c'est.